Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées, attaque donc à 21h avec cette fois-ci la thématique de Government Issue. Government Issue, c'est ce qu'on appelle en fait les GI aux États-Unis, c'est-à-dire les gens qui sont partis faire la guerre, qui ont reçu donc une convocation de la part du gouvernement. C'est le fameux Government Issue. Et là, c'est un groupe de punk rock de la mi-80, enfin vraiment dans la décennie 80, typique d'un certain son de la côte est. Alors pas exactement celui de Discord, de Washington DC. C'est plus des gens de New York, et de cette partie de la côte est là, le chanteur plus connu John Stab, qui avait une voix très particulière. Et ce qui était vraiment bien dans Government Issue, c'est le fait qu'il jouait en fait avec finalement assez peu de moyens, juste une basse, une guitare, une batterie et un chanteur. Et c'est parti pour les titres. Regardez comme d'habitude sur la page Facebook ou sur le site et on est ensemble pour 3 heures. Animal. Ce dont il s'agit ici n'est pas de rédiger un programme, mais de tracer des pistes, de suggérer des exemples, de proposer des idées pour créer immédiatement l'irréversible. Parmi ces pistes, beaucoup sont dessinées dans le paysage que nous connaissons le mieux, la France. Mais une telle démarche n'a rien à voir avec ce que fut en d'autres temps le socialisme dans un seul pays. La décrépitude du capitalisme démocratique est telle que son effondrement sera international ou que se situe le premier ébranlement. With no

Mais partout, il faut tenir compte d'un sentiment assez commun, la peur du chaos. Elle est sans cesse renforcée et exploitée par les idéologues de la domination, mais on ne peut pas en déduire qu'elle puisse être traitée par le mépris. Personne n'envisage favorablement d'être plongé dans le noir sans rien à manger. Pour que l'immense force de rupture qui monte trouve le levier et s'en saisisse, la première condition est de dissiper cette peur qui existe en chacun de nous, de restaurer un rapport au monde débarrassé des angoisses de manque, de pénurie, d'agression, qui font silencieusement la trame de l'existence normale. Mais surtout, il faut parvenir à distinguer ces deux peurs que la domination amalgame avec soin, la peur du chaos et la peur de l'inconnu. Et cette dernière, c'est le moment révolutionnaire, ce qu'il ouvre, la joie qui ne manque jamais de l'accompagner, qui la transforme en appétit de l'inconnu, en soif d'inédit. Du reste, on sous-estime toujours la capacité du peuple à se dépatouiller dans les situations exceptionnelles. No guys, we gotta come. Oh, here he comes. Once again. This is the best. The most fucked up man ever! Junkies, this is your drug squad. Oh, in it goes, in it is dark. In my eye, the ship in the dark. But my head's never been in love. Someone save me, I don't want to go. I'm gonna pop you in. That's good. I'm gonna suck you again. Wanna take another trip? I'm gonna get the money, it's just a difference. Wanna be right out of my mind? Look at myself, but I feel fine. That's good. I'll see you, you know. That's good. I'm gonna pop you in. That's good. I'm gonna suck you again. Hey! baby, you don't wanna go. After you, you know. I'm gonna pop you up. I'm gonna stop you again. Whoa. Je suis très heureux de voir paraître de la propagande en français. Cette traduction vient à point nommé car depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2001, la propagande s'est faite raz-de-marée. Aux États-Unis, le gouvernement et les médias ont lancé de concert une campagne massive de bourrage de crâne sur ces événements et sur la guerre contre le terrorisme. Sa quasi-uniformité aurait fait pâlir Goebbels de jalousie. C'est une samba sur une seule note, ininterrompue, monochrome, qui répète inlassablement la vérité officielle. Les États-Unis sont une innocente victime qui cherche à traduire en justice les suppôts du mal. Leur liste s'allonge chaque semaine car de nouveaux pays sont pris pour cible. Aucune référence à l'histoire, pas de mise en perspective, aucun contexte. Dénier au terrorisme toute dimension politique et toute racine historique est crucial pour le système américain de propagande, qui ne reconnaîtra jamais bien sûr que les États-Unis sont eux-mêmes, comme le relève Noam Chomsky, un État terroriste de haut vol. I'm afraid there's nothing left to do. I can't expect you to feel the way I do. I know soon you'll walk away. I promise you I'll be okay. I'll never understand this fucking game. When exactly did you change your mind about me? Maybe it was something that I said. Was it something that I did? Oh, tell me, help me understand what went wrong. I Une fois de plus, Chomsky est à l'avant-garde de ceux qui s'efforcent de faire entendre leur voix par-dessus le vacarme des tambours de guerre. Il a pris la parole face à des auditoires captivés à travers tout le territoire américain et aussi fin 2001 et début 2002 en Inde, au Pakistan, au Brésil et en Turquie. Feelings, palms for the dead, mounting passion, sense is reeling. Love is nothing but carnival stealing, you'll see. Deux types d'informations sont particulièrement utiles, car cette attaque a en réalité deux sources. Supposons qu'elles proviennent d'une façon ou d'une autre du réseau Ben Laden. Cela paraît au moins plausible. Supposons que cela soit vrai. Dans ce cas, il y a deux catégories d'informations et de groupes humains, liés mais distincts, auxquels nous devons nous intéresser. Le réseau Ben Laden d'abord, c'est une catégorie en soi. Puis la population de la région. Ce n'est pas la même chose, bien qu'il y ait des liens. Ces deux réalités devraient être au cœur du débat. Le réseau Ben Laden, je ne vois pas qui pourrait mieux le connaître que la CIA, puisqu'elle a joué un rôle essentiel dans sa construction. Il a été fondé en 1979. Le conseiller de la sécurité nationale du président Carter, Zbigniew Brzezinski, a fait savoir, peut-être n'était-ce que vantardise, qu'au milieu de cette année-là, il avait monté une opération secrète de soutien aux Mujahideen en lutte contre le gouvernement d'Afghanistan afin d'attirer les Russes dans ce qu'il appelait un piège afghan. Expression qui vaut d'être retenue. Et il est très fier de son idée parce que les Russes sont bel et bien tombés dans le piège afghan en intervenant militairement 6 mois plus tard avec les conséquences que l'on sait. Et les États-Unis et plusieurs autres pays ont réuni une grande force mercenaire, peut-être 50 000 hommes. Ils les ont retrouvés dans les milieux les plus militants qu'ils ont trouvés. les islamistes radicaux, on dit aujourd'hui des fondamentalistes, la plupart n'étaient pas originaires d'Afghanistan. On les a appelés des Afghans, mais comme Ben Laden, ils venaient d'ailleurs. Ben Laden participait au réseau de financement, les mêmes qui probablement existent encore. Les Moudjahidines ont été entraînés, armés et organisés par la CIA, les services de renseignement français, l'Égypte, le Pakistan, etc., pour livrer une guerre sainte aux soviétiques. Et ils l'ont fait. Ils ont déchaîné contre eux la guerre sainte, ils ont porté la terreur en territoire russe. Peut-être, comme l'estiment plusieurs spécialistes, ont-ils retardé le retrait des soviétiques? Mais ceux-ci ont fini par s'en aller pour des raisons intérieures. Les islamistes ne s'en sont pas tenus là à l'époque. En 1981, des groupes militants appuyés sur le même réseau ont assassiné l'un de ses créateurs, le président égyptien Sadat. En 1983, un seul homme, en commettant un attentat suicide, a chassé l'armée américaine du Liban. Et ils ont continué. you can say years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Well, you can say baby. The right time, you'll be mine. Say baby, baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words in the right time, you'd be mine. Baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words in the right time, you'd be mine. You'll be mine. En 1989, avec le départ des troupes soviétiques, ils ont avancé sur la voie de la victoire. Un an plus tard, lorsque les États-Unis ont établi une présence militaire permanente en Arabie Saoudite, Ben Laden et ses amis ont déclaré que, de leur point de vue, cette initiative était comparable à l'occupation russe en Afghanistan. Ils ont retourné leurs armes contre les Américains. Ils voulaient aussi renverser ce qu'ils appelaient les gouvernements impies d'Égypte, d'Arabie Saoudite et d'autres pays de la région. Et ils ont continué. Yes, ma'am. No, sir. No, ma'am. Get the man with your fucking scalp. Shoot my fingernails to the bone. Get off my back. Just leave me alone. En 1987, ils avaient assassiné une soixantaine de touristes en Égypte et porté un coup très dur à l'industrie touristique du pays. Ils sont actifs dans toute l'Afrique du Nord, en Afrique orientale et au Moyen-Orient depuis des années. Voilà pour le premier groupe humain. C'est une excroissance des guerres menées par les États-Unis au cours des années 1980 et même avant, si l'on en croit Brzezinski. Depuis le jour où ils ont posé le piège afghan. Ce n'est pas la seule vérité à dire sur ces islamistes, loin de là, mais c'en est une. Choose up, let's start. White biscuit. Mardi 25 février 1948. Paul, je suis très triste et désespéré. Mon corps me fait mal de tous les côtés. Mais surtout, j'ai l'impression que les gens ont été déçus par ma radio-émission. Là où est la machine, c'est toujours le gouffre et le néant. Il y a eu une interposition technique qui déforme et annihile ce que l'on a fait. Emergency! Living in darkness, living in a world of my own. strange what's going on. I'm stuck here while you're gone. A simple clue would have been enough. I never was so wrong, so blind, so unprepared in on. This is the worst of your goodbye. This is the worst of your goodbye. This is the worst of your goodbye. To say goodbye. Vision has created a body of work of startling eccentricity and universal appeal. His singular view of the world applies not just to his stories and characters, but to some of his theories as well. And so it begins.

Il écrit aussi pour la chanson ou la radio, aux côtés de Paul Gilson, et invente avec Paul Grimaud « Le roi et l'oiseau ». Il publie en 1945 « Paroles ». L'ami de Pablo Picasso, Yves Tanguy, Simone Signoret ou Marcel Duhamel termine sa vie non loin de la mer. I don't wanna die. Yeah. Oh, let's see ya, ladies. Let's see some of you quiet ones in here. Let's see some of you quiet ones in here. None of you standing here watching. That's fucking boring. Because the next one's for you. Shut my eyes. Oh, this thing rears up. Part of me dies. Part of me dies. Well, it's got a story. It's got a line. It's got a moral. It's spending time. But I gotta hear. I gotta grind. Then I gotta try it. Snake killing time. Snake killing time. Snake killing time. Snake killing time. Snake killing time. Snake killing. Il est incontrôlable, ça s'arrête jamais. Il est toujours sauté sur nous. Le seul qui arrive à lui dire d'arrêter, c'est un enfant de 2 ans, quoi. Il le pousse, il lui dit stop, il s'en va. Pour le coiffer, vous voyez, là, il n'est pas coiffé parce qu'on n'a pas pu avoir 1 heure pour le coiffer. Pour le coiffer, il faut qu'on le tienne par terre, qu'on lui tienne les 4 pattes, qu'on lui bloque la tête pendant que l'autre, il passe le peigne. Ou que je lui donne du Lexomil, peut-être. Mais sinon, j'ai pas trop de solutions, quoi. C'est... stars.